To the waves. Trop cuit. Pas de tous les côtés. Des fois super brûlant, mais pas partout. Micro-ondes, je te cuis. Ce que tu veux, mais pas un steak. Tout ce que tu veux, en quelques secondes. Record olympique. Micro. Pour agiter les molécules. Homogène, je te l'accorde. Sacro-onde. Débord. Certaines molécules explosent. C'est ça. Vomard, projeté, explosé, tout ton. Micro, dans ton micro, au monde. Si tu le laisses fermer, trop longtemps, tout seul. Y'a des champignons qui poussent dedans. Si tu le nettoies jamais, ça devient une forêt. C'est le micro, micro, micro. C'est le mic de mic de micro. Besoin de changer mon micro. Crone with me, my friend. Do you want to crone with me? Because I like to crone with you. Crondé jusqu'à l'os, vers l'infini de la gronditude. Truc de fou, truc de dingue, un truc de psycho. Ninja mess. About to make noise. About share. About to love. Love again. Love again. Thank you. you will be left behind. Oh, you will be there behind. Give me your hand, camarade. Bientôt, on pourra se donner la main. Donne-moi ta main. Thank you. camarade. Saint-Domas, Saint-Domas, Saint-Domas. How about that? How about that? How about that? How about that? out of love. Give it away, give it away, give it away now. Give it away, give it away. Gotta take a break to smoke, but I'm not going away. Gotta a little break doesn't work too, but we can continue.